Mon petit garçon, écoute ma chanson, tu la comprendras un jour quand tu grandiras. Quand tu t'endors, tout contre moi, je sens battre ton cœur. Je pense au jour où tu seras grand, ce jour j'en ai peur. Où volent nos rêves quand passe le temps? Où volent tes rêves et tes joies d'enfant? Tu sais m'aimer sans calculer, te créer un jardin hors des baisers et des pensées. Tu n'as besoin de rien. Mais où volent nos rêves quand on doit grandir? Où volent tes rêves? Où vont-ils mourir? Tu ris et tu t'émerveilles à la vue d'une fleur. Ton regard étincelle de bonheur, de bonheur. Tu tends tes mains à l'inconnu qui te donne un sourire. Tu as des gestes inattendus et l'art de tout découvrir. Mais où volent tes rêves dans le petit matin? Où volent tes rêves? Je n'en sais trop.